Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce mardi dont voici les grands titres. Le gouvernement du Burundi a réussi ce lundi sa 25 000 doses de vaccins contre la fièvre de la vallée du Rift et en province Rumonge. Les consommateurs des produits burundi se plaignent de la hausse de leur prix. La chronique santé parle de ménopause. Voilà pour l'essentiel. Vestilou, je suis à la présentation à la cabine technique et vous êtes avec Innocent Biboniman. La radio de l'avenir. Rebonjour. Le ministre en charge de l'environnement, le ministre en charge du développement communautaire a reçu ce lundi plus 125 000 vaccins. Et Martin Nitelet précise que le lot commandé dépasse 6 000 vaccins. Suivez-le. Le gouvernement du Burundi vient de recevoir le troisième lot de vaccins de la fièvre du Rift Valley, composé de 125 000 vaccins. Ce lot s'ajoute aux deux premiers lots qui étaient composés de 264 800 doses. Si c'est 264 800 doses, on avait utilisé 132 000 doses en cours d'utilisation sur terrain, c'est-à-dire en province de Ngozi, Kirundo, Kayanza, Muyinga, Chibitoke, Gitega. Nous avons 95 000 en cours d'utilisation et on a un stock de 37 800 doses. On a déjà vacciné jusqu'à aujourd'hui 108 057 bovins et 47 746 petits ruminants, c'est-à-dire chèvres et moutons. Le lot de vaccination qui arrive aujourd'hui constitue en tout des livraisons de 389 000 doses de vaccins et sur la commande de 695 000 qui était en cours. C'est-à-dire qu'il reste à livrer 306 000 doses jusqu'à présent. C'est une livraison que nous attendons intensément. Ces vaccins ont été achetés sur les fonds de l'État. Il n'y a pas d'aide jusqu'à maintenant. On répondait aux sollicitations de la population parce qu'il y avait beaucoup de morts de vaches et beaucoup de morts de chèvres et moutons. On a répondu à la sollicitation de la population pour prévenir la maladie qui endeuillait les gens en milieu rural et en milieu urbain. Un certain Nehemi Rishura de la commune Marangara, province Ngozi, a été tué par la police qui gardait le domicile de l'administrateur communal Ngozi. Lui, avec trois autres, ont pris le large. Selon les sources policières, ces quatre venaient de voler au domicile de cette autorité la nuit de ce lundi à mardi vers 3h. Et des voisins de l'administrateur communal confirment les faits. Le corps de Nehemi Rishura est pour le moment à la morgue de l'hôpital de référence de Ngozi. L'entraîneur de l'équipe football, les Crocos FC de la province Rumonge, a suspendu ses activités depuis ce mois. Dans une correspondance adressée au gouverneur de la province Rumonge, Ibrahim Ndaishimiye dit que le terme de contrat avec cette équipe n'ont pas été respecté. De plus, les primes de nouveaux recrues dans cette équipe n'ont pas été versées en totalité, raison de leur absence à la récente séance d'entraînement. Toutefois, Ibrahim Ndaishimiye rassure être prêt à reprendre le travail. Une fois rétabli dans ses droits, cet arrêt de travail de l'entraîneur de cette équipe intervient une semaine après la démission de son président. Et une personne de la commune de Kabarole est au cachot du commissariat de la police et judiciaire à Kayanza pour enquête judiciaire. Il a été attrapé sur la colline Yumukona de cette commune avec plus de 65 kilos de minerais de type coltan. Des informations confirmées par Sagouye Berkimas, administrateur communal de Kabarole. Cette autorité communale Kabarole regrette la persistance de fraude et contrebande dans cette localité malgré les sensibilisations sur ses conséquences, que ce soit pour la population, aussi bien pour l'économie du pays. Une pluie torrentielle mêlée de vent et grêle tombée le soir de ce lundi sur la colline Mohama, commune Ruhoro de la province Ngozi, a occasionné des dégâts. Des champs de haricots, maïs, manioc ont été détruits. Aussi des maisons et plantations de bananiers dont l'effectif n'est pas encore connu ont été très endommagés. L'administrateur collinaire et la population victime de ces intempéries demandent une assistance. Après une courte pause, le journal continue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Continuons ce journal. L'emprisonnement à vie et un dédommagement moral de 20 millions de nos francs et la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Kayanza à l'endroit de quatre personnes accusées d'assassiner un homme d'une quarantaine d'années. Le mois dernier, il était originaire de la colline Gwegura, en commune Muruta de la province Kayanza. Et deux parmi ces prévenus sont accusés aussi de l'atteinte à l'économie nationale pour la commercialisation et la vente frauduleuse. La vente frauduleuse de carburant de type mazout vidé dans l'un des camionnettes de l'office Teikole burundais à Gwegura. L'assistance des professionnels de sexe est difficile à réaliser suite au manque de loi à leur reconnaissance. C'est à propos de la conseillère chargée des affaires sociales du cabinet du gouverneur province Ngozi. C'est au moment où certaines travailleuses de sexe vont au chef-lieu des provinces Ngozi et Kayanza, indiquent que les cibus c'est des violences basées sur le genre jusqu'à être giflées par leur compagnon Omer Ndouaï. Parmi les violences que subissent ces femmes, il y a la privation du PM. Parfois même, elles sont tabassées par les hommes avec qui elles passent la nuit. Généralement, le patient séropositif n'accepte pas l'usage des préservatifs. Et les Congolais sont difficiles à gérer puisqu'ils exigent des actes ignobles pendant les rapports sexuels. Nous nous sommes convenus la somme qu'il faut pour toute la nuit. Mais pas après, j'ai pris rendez-vous avec autre client. C'est pour cela qu'il m'a givré au lieu de se chamailler avec mon nouveau client. Au cas de violences sexuelles, elles ont peur de saisir la justice sur la mentelle. Notre travail se fait dans des hôtels et bistrots. Nous ne pouvons pas saisir la justice en cas de violence. Tu peux partir avec un homme dans un hôtel. Au lieu de te payer, il te tabasse et s'en va. Et lorsque tu portes atteinte contre cet homme, on vous met tous au cachot. Ils ont payé toutes mes factures de soins et ils m'ont donné l'argent de poche. Je n'ai pas saisi la justice. Les échauffourées qui entraînent souvent des blessures et qui perturbent la quiétude des quartiers sont fréquents. La chef de secteur Tchétchénie de la colline Moussaavé, commune Kayanza, où on enregistre quelques bistrots, indique que parmi l'aide que l'administration à la base apporte à ces femmes figurent les soins médicaux. Beaucoup de cabarets sont ouverts jusqu'à minuit ou 1h du matin et les passent toute la nuit dans la rue. Nous apprenons souvent qu'elles sont battues ou qu'on leur vole de l'argent, des téléphones, etc. Nous assistons celles qui sont blessées en les acheminant vers l'hôpital. Kitonze Sandrine, conseillère des affaires sociales au cabinet du gouverneur d'Ngozi, indique le manque d'une loi régissant les professionnels de sexe comme un handicap quand ces femmes demandent recours à l'administration et lance un appel à la population de ne pas faire recours à des sanctions extrajudiciaires. Merci, Omer Ndouaï. Le président du parti Prona apprécie la fermeture des unités de transformation à base de jus gingembre, selon Olivier Nkurunziza. C'était nuisible pour la santé humaine. On l'écoute. Ce que nous avons dénoncé dès le début, quand on a mis en place cette usine, on avait dénoncé qu'effectivement, avoir la propriété, la qualité, la façon dont on transforme ces jus, que c'est vraiment très douteux. Et on avait demandé à BN de voir comment vérifier la qualité. Et voilà, tardivement, après peut-être 5 ans, même 7 ans, on vient de prouver que c'est vraiment très douteux. Premièrement, nous saluons cette mesure parce que ça vient de sauver la santé de la population burundaise. Mais en deuxième lieu, nous condamnons effectivement parce qu'on se met en place de ces vendeurs, de ces marchands, ceux qui ont voulu vendre et dans les usines qui se procuraient ces produits pour les mettre sur le marché, les détaillants, ils ont ont perdu des énormes sommes d'argent. Vous voyez, s'ils ont contracté les crédits pour faire le business et qu'aujourd'hui on arrête brusquement, et voilà les conséquences que vont subir toute cette population, c'est pas moindre parce que il y a beaucoup de gens qui avaient des points de vente dans les différentes provinces et qui vont perdre, qui ne sait pas comment ils vont récupérer leur somme. Alors là, au niveau du gouvernement, on devrait penser, les victimes, ce sont ces commerçants. Et aujourd'hui, qui ne savent pas comment faire, alors ils devraient être indemnisés parce qu'ils sont victimes. Ils ont contracté les dettes dans les différentes banques. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà. Cela empêche aux investisseurs burundais de venir installer même ces usines parce qu'ils ne savent pas que plus tard, ils ne seront pas arrêtés. Ça fait alors mal au climat de business aussi ici au Burundi. C'est la raison pour laquelle, avant de se lancer dans ce genre d'affaires, il faut qu'il y ait des études minutieuses. Je vous disais que l'emprisonnement à vie et un dédommagement moral de 20 millions de francs bou et la peine prononcée par le tribunal de grande instance à Kayanzar en droit de 4 personnes accusées d'assassiner un homme d'une quarantaine d'années le mois dernier. Il était originaire de la colline Gwegura, commune Muruta de la province Kayanza. Deux parmi ses prévenus sont aussi accusés de l'atteinte à l'économie nationale pour la commercialisation et la vente frauduleuse du carburant de type mazout vidé dans l'un des camionnettes de l'office agricole burundais à Gwegura. Les détails avec Patrick Saint-Guillaume. Dans un procès de flagrance de ce lundi, l'officier du ministère public à Kayanza a porté plainte contre Sara Nyandu, accusé d'être l'auteur intellectuel du crime de l'assassinat d'un certain Raphaël Zobakenga, un homme âgé de 42 ans et originaire de la colline Gwegura en commune Muruta de la province Kayanza. Nigakira Nyamichel et Stanislas Simbonima sont aussi accusés dans ce même procès comme des exécutants du crime. Le jour du jeudi 27, le mois d'octobre, Raphaël Zobakenga a été sauvagement assassiné d'après le ministère public à Kayanza par ces deux personnes qui ont passé leur journée en taillant les pierres dans un endroit proche où le corps de la victime a été retrouvé. L'officier du ministère public à Kayanza a également fait savoir en les accusant qu'ils n'ont pas pu présenter le matériel qu'ils utilisaient, lequel matériel selon lui serait utilisé à tuer Raphaël. Ils l'ont tué après l'avoir volé son argent de plus d'un million de francs et l'ont écorché la tête et l'ont crevé les yeux avant de lui couper la langue et les oreilles. Aridi Abimana, un chauffeur au complexe agricole de Gwegura, a été aussi accusé dans ce procès de vendre frauduleusement du carburant à Sara, une activité qui a eu lieu selon le ministère public à Kayanza. Dans l'endroit proche où le corps a été retrouvé. L'officier du ministère public à Kayanza a alors accusé Sara et Aridi d'assassinat prémédité et de l'attente à l'économie nationale, les deux à la fois. Il a requis à ces deux personnes et à Michel et à Stanislas qui ont commis le crime une peine à perpétuité. Asévéré Akuziaremye, le convoyeur de la camionnette conduite par Aridi, et lui accusé de complicité à l'attente à l'économie nationale, et le ministère public a requis pour lui une peine de prison d'une année et une amende de 100 000. Après la mise en délibéré du procès au tribunal de grande instance à Kayanza, a jugé fondé tous les réquisitoires de l'officier ministère public contre les prévenus. Bien que les prévenus aient plaidé non coupables pour l'assassinat, ce tribunal a prononcé alors à Sara, Michel, Stanislas et Alidi une peine de prison ferme à perpétuité et un dédommagement moral à octroyer à la femme de la victime de 20 millions. Asévéré Akuziaremye, le complice dans l'atteinte à l'économie nationale, une année de prison et une amende de 200 000. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Sanganilo. Merci Patrick Nsengi. On voit des consommateurs de produits burundi se plaignent du non-respect des prix officiels dans certains coins de la commune Rumonge. Ces produits sont rares dans la ville Rumonge. Ils sont disponibles dans les périphéries où la mustard de 65 centilitres s'achète à 3500 francs la bouteille. Ils demandent l'intervention de l'administration. Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumonge, leur conseille de dénoncer ces cas. Jean-Pierre Misako. À part la faible fréquence des camions de la Brarudi approvisionnant la ville de Rumonge, observée ces derniers jours avec un intervalle de 2 jours ou plus entre 2 approvisionnements, les quantités ont généralement diminué avec un accent particulier sur la boisson Amstel 65 centilitres, ce qui fait que les consommateurs sont insuffisamment alimentés dans la ville de Rumonge. Explique certains des détenteurs des débits de boissons dans cette ville. Cependant, les amateurs de ces produits interrogés dans la ville de Rumonge en font une autre lecture. Ceux qui se sont exprimés hors micro parlent d'une pure spéculation de certains des détenteurs des bistrots dans cette ville. Ils indiquent en effet que même en cas d'approvisionnement de certains bistrots, il arrive qu'ils soient informés que les boissons, surtout l'Amstel 65 centilitres, ont été achetées à l'avance. Si ces consommateurs suivent le mouvement, ils constatent que ces boissons sont acheminées en dehors de la ville de Rumonge à partir de certains débits de boissons. Là, une bouteille d'Amstel 65 centilitres de le prix officiel est de 2500 francs burundais, se vend à 3500 francs burundais au vu et au su de l'administration de base à laquelle les consommateurs demandent une intervention afin d'éradiquer ce qu'ils appellent volets planifiés dont ils sont victimes. Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumonge, quant à lui, demande aux consommateurs victimes de ce vol de prendre le devant dans cette lutte et de lui en aviser, rappelant que chaque fois qu'il a été informé de tel cas, il est vite intervenu et des amendes ont été infligées aux commerçants spéculateurs. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Actualité internationale. Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement sont réunis au Chamel Cheikh pour tenter de relancer l'action contre le réchauffement climatique. Selon la Radio France Internationale, ce 7 novembre de cette année, les dirigeants africains ont appelé les pays responsables des émissions historiques, les pays riches, à assumer leurs responsabilités en versant les financements promis aux pays pauvres, d'autant plus que ces pays rendent d'immenses services climatiques, notamment grâce à leurs forêts. Il y a 19 mois tout juste, ce mardi le 8 novembre de cette année, Olivier Dubois a été enlevé et pris en otage au Mali. Ce journaliste français qui travaillait pour la libération, Le Point et Jeune Afrique, était en reportage à Gao, où il devait interviewer un cadre du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jenim. Selon le même site, il est depuis retenu en otage et est apparu dans deux vidéos de preuve de vie dans lesquelles il explique lui-même être aux mains de ce groupe lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Radio Isanganiro, chronique santé. La ménopause et l'arrêt des cycles menstruels et de la reproduction. Le gynécologue Gabriel Nahayo explique que la ménopause peut être précoce ou tardive. Généralement, elle survient à l'âge de 51 ans. La survenue régulière des règles est l'un des signes majeurs de cette étape. Elle est avec Ornella Mucho. La ménopause est la période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt définitif de l'ovulation, la disparition des règles. Le gynécologue Gabriel Nahayo indique que la ménopause survient normalement à l'âge de 51 ans. Toutefois, elle peut être précoce avant 45 ans, même avant 30 ans. Bon, la ménopause normalement intervient à 51 ans. Et ceci est vrai pour toutes les spécimens. Et on a une fourchette d'années qui va de 45 à 55 ans, avec une médiane qui est à 51 ans. En dehors de cette période qui court de 45 à 55 ans, on peut avoir une ménopause précoce lorsqu'elle intervient avant 45 ans. Ce sont des phénomènes qui sont aux écarts de la normalité, qui sont sous-tendus par les mêmes phénomènes que la ménopause normale. Ça veut dire qu'il y a un épuisement du patrimoine des cellules de reproduction que vous avez déjà en cours de vie embryonnaire. Ils s'épuisent et quand ils s'épuisent, on ne peut plus les reproduire. Et peut-être également tardive, c'est-à-dire après l'âge de 55 ans. Ça veut dire que vous avez un organisme qui vieillit plus tardivement, surtout au niveau des ovaires. Parce qu'il est réel que les différentes parties du corps ne vieillissent pas toujours de la même façon. Vous avez des gens qui ont une peau qui vieillit avant considérablement avant les autres organes, des os qui peuvent perdre leur solidité avant, alors que les autres parties du corps vont bien. Et donc, une personne peut avoir un ovaire qui résiste aux années, et donc elle va avoir un fonctionnement reproducteur qui est retardé, et la ménopause va survenir après 55 ans. Les changements du cycle menstruel commencent avant la ménopause proprement dite. Le premier étant la survenue irrégulière des règles. Il y a d'autres signes que la personne ressent, des bouffées de chaleur, ça veut dire des sensations d'eau chaude qui sont accompagnées de froid et de sudation. On peut avoir un changement de comportement, une personne qui devient irritable, qui dort moins bien, qui ne veut pas travailler ou qui travaille plus difficilement, qui ressent la fatigue plus qu'avant. Vous pouvez avoir des modifications au niveau de la sexualité, un désir qui diminue, une lubrification des voies génitales qui diminue, et des choses que la personne ne constate pas, une déperdition de la masse osseuse qui commence quelques années avant l'arrêt des règles, qui peut avoir comme conséquence des fractures aux poignets, des fractures aux hanches et des pertes de dents. Vous avez des maladies cardiovasculaires qui normalement surviennent moins chez la femme parce qu'elle est protégée par les œstrogènes. Mais lorsque les œstrogènes ne sont plus à un taux normal, le risque est identique chez la femme et chez l'homme. Même si la ménopause n'est pas une maladie, des solutions et des traitements naturels existent pour soulager les symptômes. Rendez-vous dans notre prochaine chronique santé avec le gynécologue Gabriel Nahayo. Ainsi se referme ce journal de la mi-journée. Excusez-nous du retard et des imperfections. Vestine Outoujeté à la présentation. Innocent Bibonimane était à la mise en onde. Au revoir.